Tout commence au IVe siècle, lorsque Clovis se convertit au christianisme, faisant de Paris un centre religieux majeur. Une première cathédrale, dédiée à Saint-Étienne, y voit le jour. Mais c'est au XIIe siècle que naît véritablement Notre-Dame, sous l'impulsion de l'évêque Maurice de Sully, dans une ville en pleine effervescence. Au cœur du Paris médiéval, la cathédrale devient un symbole de foi et un carrefour de pèlerinage. Transformée et restaurée au fil des siècles, elle a vu défiler rois, fidèles et révolutions. Elle faillit sombrer dans l'oubli jusqu'à ce qu'un roman « Notre-Dame de Paris » de Victor Hugo la ressuscite au XIXe siècle, ravivant l'âme du monument. Mais en avril 2019, un terrible incendie frappe son cœur. Alors que le monde retient son souffle, une nouvelle page s'écrit. Un immense chantier de restauration s'ouvre, mobilisant savoir-faire et passion. Le 8 décembre 2024, Notre-Dame rouvrira ses portes, prête à rayonner à nouveau. Plus qu'un monument, elle incarne l'histoire, la foi et la résilience de tout un pays. Une visite s'impose. C'est un voyage dans le temps, au cœur de l'âme parisienne.